بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلسنا السادس حول دراسة التوحيد. C'est notre sixième cours autour de l'étude du monothéisme. فرعون الله عز وجل. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ولم يدعوا الناس إلى أن يعبدوهم هم. الأنبياء لم يدعوا الناس لعبادتهم من دون الله عز وجل، ولم يفعلوا ذلك عليهم الصلاة والسلام، فكيف بدونهم من الأولياء والصالحين؟ فمن ثبتت له ولايته وثبتت صلاحيته وثبت صلاحه فإنما صلاحه لنفسه وولايته لنفسه. وربنا يقول في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc, Allah عز وجل, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont appelé tout simplement les gens au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un prophète a appelé son peuple à l'adorer, c'est-à-dire à adorer le prophète. Mais ils ont tous appelé leur peuple à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas faire d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comment il en est pour ceux qui ne sont pas des prophètes, ce qu'on dit l'awliya et salihin? Celui dont qui est wali, ça c'est pour lui-même. Et salih, c'est pour lui-même. Ça ne nous concerne que lui. Hein? La wilaya, le fait d'être wali, ça le concerne lui. Le fait d'être salih, c'est pour lui. C'est lui qui va en profiter quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. C'est il était wali dans le bon sens du terme. Et s'il était salih dans le bon sens du terme. Il wali salih, c'est celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve min Allah azza wa jal et preuve de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, en espérant la récompense min Allah. Et celui qui s'abstient des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve min Allah et preuve de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout un chacun qui agit ainsi, il est wali. Et tout un chacun qui agit ainsi, il est salih. Hein? Et il est dit pour cela dans le verset, certes, les alliés d'Allah, l'awliya, n'ont pas à avoir peur et n'ont pas à être attristés. N'ont pas à avoir peur pour ce qui les attend. Chez Allah Azza wa Jal, puisqu'ils ont préservé le droit d'Allah. Ils n'ont pas à être attristés chez ce qu'ils ont laissé derrière eux. Hein, ou là avoir dit ceci pour ce qui les attend dans le delà, parce qu'ils ont préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Dans ces cas-là, ce n'est que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils vont trouver devant eux. Amma ghayruhum fa ghayru al-ida kan al-anbiya lam yad'u an-nasa ila ibadatihim fa ghayruhum min bab annahu la yud'a ولا يعبد من دون الله عز وجل. وكما جاء في كتاب الصبر، باب الصبر في رياض الصالحين، قصة الغلام مع وزير الملك، حيث قال له الوزير: إن شفيتني فلك كل هذا المال. فقال له الغلام: أما إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فأنت إن آمنت بالله دعوت الله أن يشفيك. هذا الغلام ولي من أولياء الله عز وجل، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى بإذن الله عز وجل. ومع ذلك لما أتاه هذا المريض وهو وزير للملك قال له: أنت تؤمن بالله أولا وقبل كل شيء، وأنا لا أملك لك شيئا، فأنت إذا آمنت بالله فأنا أدعو الله عز وجل لعله يشفيك. وفعل الله عز وجل سي لي بروفيت عليه الصلاة والسلام نو با دوموندي او جون دو لي ادوري إلى أنكور موان كوركت d'adorer autre que le prophète alayhi salatu wa salam, d'adorer ce qu'on appelle l'awliya, ce qu'on appelle salihin, et de leur demander des choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté par l'imam Nawawi rahmatullah alayhi dans le jardin des vertueux, chapitre la patience, chapitre de la patience, l'histoire d'un jeune avec le ministre, l'un des ministres du roi de son époque. Le ministre a été atteint, il est devenu aveugle à un moment donné. Et il a entendu parler de ce jeune, comme quoi il guérissait les malades, comme quoi il faisait des choses extraordinaires. Il l'a rencontré, il lui a dit: si tu me guéris, je te donne toute la fortune que j'ai. Le jeune lui a dit: moi, je ne guéris personne. Je n'ai pas de guérison à donner. Et je ne donne aucun remède. Je ne guéris personne du tout. Mais celui qui guérit, c'est Allah. Si toi, tu crois en Allah, je vais demander à invoquer Allah pour qu'il te guérisse. Mais il faut que tu crois en Allah. Ce roulam, ce jeune, était... faisait partie de ce qu'on peut appeler le wali, des gens qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, l'a comblé par certaines choses. Par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il guérissait certaines maladies comme la lèpre, comme beaucoup d'autres maladies. Il les guérissait par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout ça, quand ce malade est venu le voir, et qui a ce rang social, et qui est proche du roi, il lui a dit: toi, tu crois d'abord en Allah, Azza wa Jal, et après moi, je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala pour te guérir. Sinon, moi, je ne guéris personne. Je ne peux rien faire. Mais si tu crois en Allah, je demanderai à Allah pour te guérir. Hada faqat ma yamlikuhu al-wali. والمتقي والصالح. فالولي ليس من حقه أن يتصرف في الكون لأنه أصلا مخلوق. وربنا يقول: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أن يبعثون. الولي sur les gens, sur lesquels les gens croient beaucoup de choses. Le wali n'a aucun pouvoir. Il ne fait rien dans cet univers, il ne gère rien dans cet univers. Parce qu'à l'origine, c'est une créature d'Allah. Et il est dit dans le verset: ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah, ils ne créent rien. Eux-mêmes sont créés. Ils sont des morts, ils ne sont pas vivants. Ils ne le sentent pas, même ce que vous leur demandez, ils ne le sentent pas, ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être ressuscités. Maintenant, tu vois, certains vont très loin. Ils croient en ce qui s'appelle l'aqtab. Et que l'aqtab, chez certains sectes soufis, font ce qu'ils veulent. Gère ce monde, décide et décrète les tremblements de terre qu'il va y avoir à l'est et à l'ouest, et décrète les catastrophes qu'il peut y avoir dans le monde. Ben, si l'on est ainsi, frère en Allah, on vous demande, ça fait presque plus d'un demi-siècle que nous pleurons la Palestine. Ben, envoyez vos pouvoirs sur les juifs et détruisez l'État juif. Et reposez la communauté de cette gangrène. Si vous faites tant de ça, vous décidez quand il y aura le tremblement de terre à Hawaï, et quand il y aura le tremblement de terre à Ouarzazate, ou là, à Constantine, ou là, à Perpète-les-Oued, ben décidez vite fait, et soulagez nos frères, et nos sœurs, et nos mères en Palestine, et envoyez un tremblement de terre sur l'État juif. Comme ça, vous rendez un grand service à la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais on ne sait pas où sont les raisons de cela. On ne sait pas où sont les raisons qui croient en ces Aqtab, comme ils le disent. ويقول أهل العلم أن المخلوق الذي كان وليا في حياته فبعد مماته لا يملك لنفسه شيئا بل هو نفسه محتاج إلى الحي ومفتقر إلى دعاء الحي. Les hommes de science disent et attirent l'attention sur le fait que cette créature, cet homme, qui faisait partie parmi les pieux dans ce bas monde, maintenant qu'il est mort, lui, il a besoin d'y vivant pour lui faire dua. Il ne peut rien pour lui-même. Comme, il ne peut rien pour les autres. C'est les autres qui peuvent lui rendre un service en le faisant des dua pour lui. فلان إخوة الإسلام صحابة أفضل منا أم لا؟ Qu'en pensez-vous maintenant? Les compagnons de Mohammed a.s. sont mieux que nous, mieux que toute l'humanité après les prophètes a.s. ou pas? Il n'y a aucun doute. La shakka, la yashukku muslimun annahum afdalu minna wa afdalu man masha' ala hadhihi al-ard ba'da al-anbiya'a a.s. wa hum ma'a dhalik muhtajuna li du'a'i man ba'dahum. ولا يملكون لمن بعدهم شيئا يقول عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالحي المفضول يدعو للميت الذي هو أفضل منه للميت الفاضل. فنعلم كلنا يقينا أن الصحابة أفضل منا ومع ذلك نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن ندعو لهم بالمغفرة ومن واجبنا أن ندعو لهم بالمغفرة مع أنهم أفضل منا. لأن الله عز وجل وكمسلم ندوت que les compagnons sont les meilleurs de l'humanité humaine après les prophètes alayhi salatu wassalam. Et malgré tout ça, ils ont besoin de notre dua. Ils ont besoin du dua de ceux qui sont venus après eux. Alors que c'est les meilleurs de l'humanité après les prophètes alayhi salatu wassalam. Ils ne peuvent, une fois dans la tombe, ils peuvent rien pour eux-mêmes. Comment ils peuvent quelque chose pour autrui? Rien du tout. Il est dit dans le verset, ceux qui sont arrivés après eux, ils disent quoi? Ô souverain, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la croyance. Et qui c'est qui nous ont devancés dans la croyance? Les premiers qui rentrent dedans, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, le vivant, qui n'a pas beaucoup de vertus, fait dua pour le mort qui est mieux que lui, qui a beaucoup plus de vertu que lui. Et nous savons tous avec certitude que les compagnons de Mohammed alayhi salam sont mieux que nous. Et qu'il n'y a aucune comparaison à voir entre nous et les compagnons de Mohammed alayhi salam. On n'arrive pas à la poussière qui tombe de leur cheville. Et malgré tout ça, nous disons Rabbana ghfir lana. Ô souverain, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont devancés dans les croyances. on leur fait dua. Pourtant, ils sont mieux que nous. فالميت أخ الإسلام لا يملك لنفسه شيئا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره بل الميت محتاج لدعاء الحي ولهذا جاء في السنة في زيارة المقابر أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ها أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Le mort ne peut rien pour lui-même. Il ne peut aucun bien pour lui-même. Il ne peut pas se faire de mal. Comme il ne peut rien pour autrui. Il ne peut ni donner le bien, ni empêcher un mal qui n'arrive à une personne. Il ne peut rien, le mort. Le mort a besoin du dua du vivant. C'est pour ça que dans la sunna, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné au moment de visiter les tombes, au moment de visiter les cimetières, « Assalamu alaikum, vous les gens de la demeure, parmi les croyants et les musulmans, hein, vous êtes les premiers, et nous, incha'Allah, nous allons vous rejoindre. Hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à vous l'afia. Hein, » dans une autre version, اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. Dans une autre version, oh Allah, s'ils étaient des gens du bien, augmente-leur leur bien. Et s'ils étaient des gens qui ont fait des erreurs, pardonne-leur, ya Allah. Ainsi nous a pris Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam à faire dua pour les morts. Ils n'ont pas demandé aux morts. Même Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, on ne lui demande pas. Il est mort. On ne lui demande rien. Mais on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour que nous avons pour Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est différent. Oh Allah, si je suis sincère dans l'amour que j'ai de ton prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, oh Allah, soulage-moi de tels problèmes, etc. Mais on n'a pas le droit de dire, ya Muhammad, soulage-nous de nos problèmes, comme le font beaucoup. Ou ya Muhammad, donne-nous des enfants. La la la, ya akhal islam. Cette demande ne doit être réservée, il est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحَيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَيَاتِهِ صَالِحًا قَدْ انْتَهَى وَخَرَجَ مِنْ عَالَمِ التَّكْلِيفِ بالنسبة إليه لم يعد مكلفا ولا هم يعد يستطيع شيئا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. Donc le vivant qui était pieux dans ce bas monde, qui était vertueux dans ce bas monde, son monde est terminé avec sa mort. Il n'y a plus d'obligation pour lui. C'est fini. Tout est arrêté pour lui. C'est fini pour lui. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut ni le bien ni le mal pour qui que ce soit. Ni pour lui-même, ni pour autrui. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quand le descendant d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois choses. Une œuvre courante, c'est-à-dire le fait qu'il ait construit une mosquée, ou là, qu'il a fourni des livres à un centre d'éducation religieuse, etc. Ou le fait qu'il était, il faisait parmi les hommes de science, il a laissé une science. Ça, ce sont des œuvres qui continuent à tourner pour lui, à lui ramener des actes. Ou alors, il a laissé derrière lui un enfant pieux qui lui fait des dua. Mais sinon, lui, il ne peut plus rien. C'est la bonne œuvre qu'il a laissée derrière lui. Cette bonne œuvre qui tourne toujours, la construction d'un orphelinat, hein, la construction d'une mosquée, la construction d'une école dans laquelle on apprend la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hada, il va continuer à œuvrer pour lui, il recevra la récompense, il la trouvera dans son livre, quand il rend le jour de la résurrection. Mais tout le reste s'est arrêté pour lui. Ou alors, c'était un homme de science, comme Cheikh Nasser rahmatullah alayhi ou Cheikh Ibn Baz, et les gens profitent de leur science maintenant. Hada, c'est bénéfique pour eux, et ça les rejoint dans leur tombe. Et le jour de la résurrection, ils vont le trouver. Hein? C'est tout. Et sinon, un enfant. Ils ont laissé derrière eux un enfant qui a été éduqué sur l'islam et qui est un enfant pieux et qui leur fait du doua. Hein? Le mort ne peut rien pour lui. Et alors, partant de là, il ne peut rien pour qui que ce soit après. C'est pour ça qu'elle est nulle, la parole de certains, et malheureusement, parmi les intellectuels. Ils disent, إذا ضاقت عليك الأمور فعليك بأهل القبور. C'est triste d'entendre que cette parole, des fois, elle est prononcée par les intellectuels de cette communauté. Quand les situations te deviennent difficiles, oriente-toi et demande aux morts. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. Le mort, il ne t'entend pas. Les morts, ils ne t'entendent pas, frère en Allah, Azza wa Jal. Ils n'entendent rien. Wa Rabbuna qala, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant à Muhammad alayhi salatu salam, tu ne feras pas entendre ceux qui sont dans les tombes. Hein? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. ويقول له كذلك إنك لا تسمع الموتى. Il dit, le message s'adresse au prophète alayhi salam, tu ne fais pas entendre ceux, tu ne pourras pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Et tu ne feras pas entendre les morts. Peut-être que maintenant il t'arrivera une ambiguïté dans la tête avec l'histoire de la bataille de Badr. Au compte, trois jours après, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé que les associateurs soient jetés dans un fossé, au fin fond d'un fossé. Et après, il est venu les voir, il s'est adressé à eux. Il leur a dit, nous avons trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Est-ce que vous, vous avez trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis? Il s'est tourné vers les compagnons, il a dit, ils entendent plus que vous. Ce que je suis en train de leur dire. Pourquoi? Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à son messager alayhi salam de faire et que sa voix soit entendue par les mécréants pour les blâmer. Pour les blâmer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a fait entendre. Ce n'est pas le prophète alayhi salam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné. Hein? Lui, à ses mécréants pour entendre la parole du prophète alayhi salatu salam. Hein? Le prophète alayhi salatu salam ne bouge pas comme ça. C'est une révélation qui lui est venue. Et quand les compagnons s'étonnaient comment il parle aux morts, il leur a dit, ils entendent mon message et ce que je suis en train de leur dire plus que vous. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la possibilité pour qu'ils entendent la parole du prophète alayhi salatu salam pour les blâmer et pour qu'ils soient dans le mal parce qu'ils ont donné le dos au messager alayhi salatu salam. Ils se sont entêtés, ils se sont remplis d'orgueil, ils n'ont pas répondu au message de Muhammad alayhi salatu salam. Fa qala azza wa jalla ma anta bi musmi'in man fi al-qubur. Ay anta ya rasul Allah كبشر لا تملك أن تسمع الموتى ومن مات ومن في قبره ومسمع هنا اسم فاعل فأنت كرسول بشري لا تملك القدرة على الإسماع فالبشر لا يملك القدرة على إسماع الميت والميت ليس له وسيلة أو قدرة على أن يسمع كلام الأحياء فلا يملك أحدنا أبدا أن يسمع الأموات والله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء والله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء وهذا في قضية قتلى بدر الله سبحانه وتعالى أسمع قتلى بدر لتوبيخهم كما قال أهل العلم. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au messager alayhi salam, tant que toi Muhammad, toi le messager, en tant qu'être humain, tu ne peux pas faire entendre les morts. Et Mousmer dans le verset, c'est un nom de sujet. Il dit, toi, en tant que messager humain, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la puissance, tu n'as rien pour faire entendre les morts. Cela nous prouve, comme disent les hommes de science, que pour ce qui concerne les morts de la bataille de Badr, parmi les têtes de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a fait entendre le message de Muhammad alayhi salatu wasalam pour les blâmer. Et toi, en tant qu'être humain, quand tu t'adresses à un mort, tu n'as pas la capacité ni le pouvoir de le faire entendre, et de faire passer ton message au mort. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait entendre qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait entendre les morts. Hein? وعلى هذا نحن عندما نزور المقابر ونقول السلام عليكم نحن لا نملك دليلا شرعيا على أن الأموات يردون هذا علينا ولكننا نعمله لماذا؟ اقتداء برسول الله واتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهل نملك دليلا بأن الأموات لا يسمعون هذا السلام؟ هذا كذلك لا نملكه ولكن نحن نقتدي برسول الله ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ها صافي ان الله عز وجل quand on visite les cimetières et quand on salue les morts salam alaykum ahla diyar les habitants de la demeure nous n'avons aucune preuve dans la législation que les morts nous rendent notre salam. Mais nous le faisons parce que nous suivons Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Nous mettons en application la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Nous n'avons aucune preuve comme quoi les morts n'entendent pas notre salam. La même chose. Nous n'avons aucune preuve qu'ils n'entendent pas. Et nous n'avons aucune preuve sur le fait comme quoi ils nous rendent le salam. Mais nous jésissons ainsi. Parce que c'est la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous devons agir, que nous devons faire au moment de visiter les tombes. Hein? ولذلك من يذهب إلى ضريح من الأضرحة ويقول المدد يا فلان أو المدد يا حسين أو المدد يا حسن يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن والحسين هذا شرك بالله عز وجل وهذا وأمثاله الذين يطلبون الأموات يقول لهم أهل العلم تعالوا هنا أنتم تطلبون من مخلوق مهما كان هذا المخلوق ومهما كان قدره أولا حتى تطلب من هذا المخلوق لا بد أن تعلم أن هذا المخلوق قادر على ذلك الشيء الذي تطلب منه أن تعلم أن يكون حيا وقادرا على ما تطلبه منه فلا يعقل أن تطلب من مخلوق مثلك أن يرزقك الأولاد ولا يعقل منك أن تطلب من مخلوق مثلك أن يشفيك ها فهذا مستحيل فحتى إذا كنت تريد أن تطلب من شخص شيئا ففيما يستطيعه أن يعينك في البريكولاج ولا باش تصيب السيارة ديالك ولا كذا هذه الأمور أي ويستطيعها الإنسان ولكن يجب أن يكون حيا الميت لا يستطيع أن يعينك في إصلاح السيارة ها ولا في البريكولاج ديال الدار ولو لأنه ميت. C'est pour ça que ceux qui vont vers les tombes et vers les mausolées, ils demandent, « Ya Sidi Flan, donne-moi. Ya Sidi Flan, guéris mes enfants. Oh Hussein, oh Hassan, fils de la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, Donne-moi ceci, donne-moi cela, guéris mes enfants, fais-moi réussir ou fais réussir les enfants. Ceci, c'est de l'associationnisme. Hein? Cela, les hommes de science leur disent. Venez ici. Vous êtes en train de demander quelque chose à une créature, malgré la place et l'élévation de cette créature et le rang de cette créature. Avant de lui demander quelque chose, il faut savoir si cette personne est capable de faire cette chose. Et le mort est incapable de faire quoi que ce soit. Donc on peut demander à quelqu'un quelque chose, mais quelque chose qu'il peut faire. T'aider à réparer ta voiture, t'aider à remplacer dans quelque chose, t'aider à faire quoi que ce soit, le bricolage dans ta maison. Mais il faut qu'il soit vivant et capable de le faire. Il ne faut pas qu'il soit handicapé. Il faut... Mais maintenant, il est mort et tu lui demandes de te donner des enfants. Même vivant et tu lui demandes de te donner des enfants. C'est impossible. Il ne le peut pas. C'est impossible. Ceci, c'est le domaine d'Allah. Il n'y a qu'Allah qui donne les enfants, etc. La même chose, le mort, il ne peut pas t'aider à déménager, ni à bricoler dans ta maison. Donc, ne va pas demander l'impossible. Il est mort. Il ne veut pas tenir un pinceau à la main. Ni t'aider à décoller le papier peint du mur. Impossible. Il est mort. Il a besoin de ton doua. فهؤلاء يقول لهم أهل العلم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فأرونا سحابة رفع هذا الولي الذي تدعون من دون الله أو أرونا شجرة أنبتها هذا الذي تدعون من دون الله أو أرونا مخلوقا أخرجه هذا الذي تدعون من دون الله أخرجه من بطن أمه أرونا شيئا أوجده من العدم. Et les hommes de science interpellent cela et leur disent, Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. Maintenant montrez-nous tout simplement un nuage que font bouger ceux à qui vous demandez qu'ils sont morts. Montrez-nous un arbre, que ce mort a dit sort, l'arbre il est sorti. Montrez-nous quelque chose que ce mort a sorti du néant. Il n'existait pas, il l'a fait exister. Et c'est impossible. هل يوجد دليل في الكون على أن الأولياء والصالحين أو الحسن أو الحسين لهم تصرف في هذا الكون؟ أو أوجد فيه شيئا بل هو من هو أفضل من الحسن والحسين وهو عيسى عليه الصلاة والسلام هل خلق سحابة عيسى عليه الصلاة والسلام والنصارى تعبدوه من دون الله عز وجل هل خلق شجرة هل خلق ذبابة ولا شيء من هذا كله وربنا يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كلاهما ضعيف الذي يطلب والذي طلب منه كلهم ضعفاء وكلهم فقراء وكلهم لا يستطيعون شيئا donc maintenant il faut prouver il faut avoir une preuve dans cet univers, comme quoi les pieux et les vertueux, ou le Hassan, ou le Hussein, gèrent ce monde. Ou ont fait exister quelque chose dans ce monde. Et mieux que le Hassan ou le Hussein, radiyallahu anhum, Isa, alayhi salatu wassalam, qui s'adore en dehors d'Allah, azza wa jal, est-ce qu'il a créé un nuage dans le ciel? Est-ce qu'il a créé un arbre? Est-ce qu'il a créé une mouche? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et il est dit dans le verset, ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah ne pourront pas créer une mouche, même s'ils se réunissent tous, les premiers, les derniers, jusqu'à la fin des temps pour créer une mouche, vas-y, crée-la. Il y a qu'on est dans un monde qui dit, hein, au sommet du progrès. Hein? T'as des avions maintenant supersoniques qui sont des vitesses hallucinantes. Trois fois le bruit, trois fois le son, je ne sais plus à quel point ils sont arrivés. Mais dis-leur de créer une mouche, un moustique, une puce qui pique là. Pas la puce là de hein? Ada, ils sont capables, ils l'ont fait. Mais la puce qui pique, celle qui est sur le dos du chien, celle qui t'embête et qui te donne des petits points rouges sur ta peau et qui te dérange la nuit quand tu dors quelque part. Dis-leur de créer une comme ça. Impossible. Alors ils sont arrivés à quelque chose d'assez exceptionnel. Hein? Mais ils ne pourront pas. C'est à lui, sauf. Il est petite. Hein? Très très petite. Mais ils ne pourront pas la créer. C'est impossible. Ça, c'est le domaine d'Allah. Ne le peut qu'Allah Azza wa Jal. Hein? Et s'ils se réunissent tous. Et quand la mouche leur pique quelque chose, ils ne peuvent pas le sauver. C'est-à-dire. Quand les adorateurs des statues, ils amenaient des choses sur à côté de leur statue. Et la mouche vient. Et avec son... Il prend quelque chose. Cette petite chose qu'il a, que la mouche a pris, soit du parfum qu'on a offert, ou de la nourriture qu'on a offert comme offrande à cette statue, Bahadak, celui-là qui demande à cette statue, il ne peut pas récupérer ce qu'a pris la mouche. Et, ce, et cette statue qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pourrait pas récupérer ce qu'a pris la mouche. Les deux sont faibles. La statue, c'est celui qui l'adore. Il en est de même pour le mort. La même chose. Faiblesse sur faiblesse. Donc les choses, nous devons être doués de raison. Hein? Et nous demander les choses qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est capable de faire tout. فَلْنَتَنَبَّى إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْأَمْرِ فَالتَّوْحِيدِ دِدُّهُ الشِّرْكِ وَإِذَا لَمْ نَفَهَمِ التَّوْحِيدُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا لن نفهم حقيقة الشرك وإذا لم نفهم الشرك فلن نفهم حقيقة التوحيد فهما شيئان عندك توحيد وعندك شرك وعندك سنة وعندك بدعة فلا بد أن تعرف الاثنين وهو من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه فَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ. Faire très attention, frère en Allah, à ce point. Le monothéisme, son contraire, c'est l'associationnisme. Et si tu ne maîtrises pas et tu ne comprends pas bien, et tu ne bases pas ton monothéisme sur des règles sûres, tu ne vas pas bien comprendre l'associationnisme. Et si tu ne comprends pas bien l'associationnisme, tu ne vas pas bien comprendre le monothéisme. Ce sont des choses qui vont de pair. En face de toi, tu as deux choses. Une qui est le contraire de l'autre. Tu as le monothéisme et tu as l'associationnisme. Tu as aussi la sunna et tu as l'innovation. Hein? Et tu es obligé d'apprendre les deux. Et les règles des deux. Pour les maîtriser. Et c'est pour ça que de l'un de nos puissants, il a dit dans un poème, j'ai connu le mal. Non pas par le mal, pour ne pas y tomber. Parce que celui qui ne sait pas faire la différence entre le mal et le bien, il va tomber dans le mal. Et ça, ça a sa source dans l'un de nos puissants d'Allah Alim qui est Hudayf ibn al-Yamam, radiallahu ta'ala anhu arda. Il disait, radiallahu anhu arda, les gens demandaient à Rasul sallallahu alayhi wa sallam le moyen et les actes qui vont leur prévaloir le paradis. Et moi, je lui demandais les choses qui vont prévaloir l'enfer pour ne pas tomber dedans. Hein? Donc, tu as un puissant dans cette voie-là. Qui est l'un des nobles compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'homme du secret de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa min wajibina ikhwat al-islam an na'rif al-tawhid wa na'rif naqidahu al-shirk. Donc il est de notre devoir, frère en Allah azza wa jal, de connaître le monothéisme et de connaître son contraire qui est l'associationnisme. Fa Allah azza wa jal muta'alin anil ned. وعن الصاحبة وعن الولد وعن الوزير وعن النظير وعن المتين وعن الشبيه لا رب سواه ولا إله غيره لا يشبهه شيء في أسمائه ولا في صفاته ولا يماثله شيء في أسمائه ولا في صفاته عز وجل واحد لا شريك له هو الأول فلم يكن قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء فأين الله عز وجل الله عز وجل est élevé au-dessus de tout. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de femme, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de vizir. Hein? Il est unique dans sa souveraineté, unique au niveau de ses noms, de ses attributs. Rien ne lui ressemble, il n'a pas de similaire. Hein? Il est le seul digne d'être adoré. Rien ne lui ressemble, ni dans ses noms, ni dans ses attributs. Hein? Il est unique et c'est à lui que nous devons tout demander. Et c'est à lui que nous devons réserver notre culte. Il est le premier, il n'y avait rien avant lui. Et il est le dernier, il n'y aura rien après lui. فَلْنَتَنَبَّى لِقَضِيَةِ التَّوْحِيدِ دَخَلْ إِسْلَامِ فِي مُقَابِلِهَا قَضِيَةُ الشِّرْكِ وكثير من المشركين من المسلمين يشركون بالله عز وجل وهم لا يدرون انهم اشركوا بالله وجعلوا لله الانداد فتريز اتونسيون فرنا الله عز وجل المونوثيزم سي با بور ريان كو لي زون دو سيونس ديز الادمان في كتب التوحيد فو با سلاسي فو توجور افوار لو ريغار سور لي ليفر دو مونوثيزم كو سوا دون لي ليفر دو لا سنه ou que ce soit le livre de Cheikh Mohamed Noblehab qui concerne le monothéisme, ou que ce soit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concernent le monothéisme, il faut avoir toujours son regard sur le monothéisme, le comprendre, le digérer et le mettre en application. Et en face du monothéisme, il y a un grand problème, il y a un grand danger, une grande injustice que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, qui est l'associationnisme. Beaucoup de musulmans tombent dans l'associationnisme sans le savoir. Beaucoup de musulmans font des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, donnent des équivalents à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils l'ignorent. Ils ignorent qu'ils sont en train de faire de l'associationnisme. Mimman yutlabu al-madad ya akhal islam. Yaqulu rabbul izza, ittastaghituna rabbakum, fastajaba lakum, anni mumiddukum. من الممد؟ الله عز وجل ولا يملك المدد غير الله سبحانه وتعالى ولا يطلب المدد من مخلوق فمن طلب المدد من مخلوق فقد جعله ندا لله وأشرك مع الله آلهة أخرى في شيء إن أشرك مع الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فمن الله عز وجل de qui on demande le madad Le fait de nous faire triompher, le fait de nous secourir, hein, et de nous donner les choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De qui on la demande, ce madad? On doit nous le demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens lèvent les mains devant la tombe du prophète et disent, le madad ya Rasulallah, tu les entends pas sur certaines chaînes de télé maghrébine avec leur tambour, dag dag dag, le madad ya Rasulallah. Hein? En plus de ça, ils agrémentent ça avec de la musique. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Et l'homme qui dit ça, et qui le chante, si tu le vois, c'est le premier que tu prendrais comme commandant d'une armée. Hein? Mais vite. Le madad ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il peut faire, Adam? Il ne peut rien faire. Déjà, il ne sait pas qu'il est en train de commettre des expressions dans lesquelles il y a de l'association. Il est en train de demander aux morts, même si c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander quelque chose que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il est dit dans le verset, quand vous demandez secours à votre souverain, et Allah, il vous a répondu. Il a répondu à votre demande. Et vous a envoyé des anges pour combattre avec vous, et pour vous aider, et pour vous secourir. Donc, qui possède le madad? Il n'y a qu'Allah. Et de qui on doit le demander? On le demande que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui demande quelque chose à une créature et que cette chose ne peut la faire qu'Allah, et c'est le domaine d'Allah qui est réservé exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait un associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. ونعلم أن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Faut qu'on sache, qu'on l'ait à l'esprit, qu'il est dit dans le verset, celui qui fait un associé à Allah, Azza wa Jal, Allah, il lui a interdit le paradis. Et sa demeure sera le feu de l'enfer. Et les injustes, c'est-à-dire les associateurs, n'ont pas d'alliés. Personne ne va être leur allié. فَالشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَلَكِنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ والشرك أعظم من القتل. القتل أمره أمر عظيم ولكن الشرك أعظم منه. السرقة أعظم منها الشرك مع أنها ظلم ومن الكبائر ومع ذلك الشرك أعظم منها. يخجل أحدهم أن تقول له أنت تسرق أو أنت تزني ولا يخجل إذا قيل له أنت تشرك بالله. ما يخجل يدافع. أما إذا قلت له تسرق أو تزني فيحاجك. أما إذا قلت له تشرك بالله كأنك لم تقل شيئا لأنه لا يعلم لأنه جاهل. الأسوسياسيونيزم فخيرون الله عز وجل est beaucoup plus dangereux que le fait de délaisser la prière. Délaisser la prière est énorme, mais l'associationnisme est beaucoup plus énorme. C'est la plus grande des injustices avec laquelle on a désobéi à Allah. L'associationnisme est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus énorme que le fait de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est énorme. Mais faire un associé à Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grave que tuer quelqu'un. L'associationnisme est beaucoup plus important, beaucoup plus grave. La situation est beaucoup plus grave pour un associateur que quelqu'un qui vole. Ça ne veut pas dire que tu dois voler. Reste tranquille. Hein? Garde ta main dans tes poches. Hein? Là, la situation du voleur est dangereuse. Mais juste pour te montrer que les petits péchés ou là, les péchés capitaux, devant l'associationnisme, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais ce sont des péchés quand même. Il faut les prendre en considération. Il ne faut pas les commettre. Hein? Et des fois, tu dis à quelqu'un, toi tu voles, tu n'as pas honte, etc. Et il a honte quand tu lui parles comme ça. Ou toi tu es dans l'adultère, tu dois chimchouia, tu dois. Tu as une belle femme, tu as une famille. Hein? Tu n'as pas honte de leur amener une maladie avec toi ou quoi que ce soit. Il a honte, il s'excuse. Non, mais je fais, j'ai rien fait. Il commence à s'excuser. Mais quand il lui dit, toi tu as associé quelqu'un à Allah, en t'adressant à la tombe, il n'a pas honte. Bah, il commence à, là, à débattre avec toi, et à ramener ses preuves, et à se défendre. Pourquoi? Parce qu'il ignore ce que c'est que l'associationnisme. Il ignore le monothéisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Il ne sait pas qu'il est dans une situation très dangereuse. Cette situation est très dangereuse. Hein? Quelqu'un qui est monothéiste, hein, et qui vole, qui tombe dans l'adultère, là, il arrive, il meurt en étant monothéiste, là, le fait d'avoir volé, le fait d'avoir commis l'adultère, il est évident que c'est un péché capital. Mais il restera ce, le vouloir d'Allah. Si Allah, il veut lui pardonner l'adultère, il veut lui pardonner le vol, il va lui pardonner, il ira au paradis, parce qu'il est monothéiste. Mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'œuvres, qui a aidé les orphelins à l'est de la terre et à l'ouest de la terre, et qui est un associateur, et qui n'a jamais volé, et qui n'a fait que le bien sur terre, bah, avec son bien, il ira en enfer. Parce que l'essentiel, qui est le monothéisme, il ne l'a pas, il associe à Allah. Parce que le droit le plus important d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a spolié. Il n'a pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut de lui, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comme tu le vois, ces grands, leur mère tatati, leur père tatata, et avec tous les biens qu'ils font, hada ou lépreux, hadi aux affamés dans le monde, et on sait pourquoi ils le font, pour propager le nul et le faux. Ben, dis-toi bien que s'ils meurent sur cet associationnisme, cette trinité, et sur le fait, sur cette croyance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il est en enfer. Malgré ses œuvres qu'il aura faites. Est-ce que Allah est injuste? Non. Il aura été récompensé de ce bas monde. BTFA, on a parlé. Antenne 2, on a parlé. On lui a mis le tapis rouge partout où il est parti. Il a eu sa récompense. Il est connu par tout le monde. Tout le monde dit c'est le vertueux Tatati. La vertueuse Batati. Hein? Ça y est, il est récompensé. Hein? Hein? Ou là, sur un plateau de télé, il a été récompensé par le présentateur qui dit « Je peux vous embrasser quand même ?» Rien ne l'interdit. Hein? Et avec toutes les élances qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont montré, les puits, hein, etc. Mais à la fin, s'il meurt sur la Trinité, « فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَأْوَى » Et à la fin, c'est l'enfer. Quelle mauvaise demeure que l'enfer. وَمِمَّا يَأْسَفُ لَهُ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَنَّ الْقَائِمِينَ عَلَى الْوَعَظِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ يَرَى الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَلَا يُنْكِرُهُ وَيَرَى مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَلَا يُحَرِّكُ سَاكِنًا فَبَيْتُ اللَّهِ الْكَعْبَةُ هُوَ الَّذِي يُطَافُ بِهِ فَقَطْ وَيُتَمَسَّحُ بِأَرْكَانِهِ وَهُنَاكَ وَالْوَاعِظُ قَائِمٌ يَعِظُ من يدور حول القبور ويطوف حول القبور ويسجد للقبور ويذبح للقبور والواعظ في مكان من الضريح يعظ أو يتلو آيات القرآن الكريم ومع ذلك يرى الشرك أمام عينيه ولا يحرك ساكنا. Donc ce qui est regrettable encore plus, c'est que certains prêchent dans des lieux de l'associationnisme, à travers le monde musulman, fois en Syrie, en Afrique du Nord, un petit peu partout, en Égypte, tu as des tombes dans des lieux, et tu as la table du prêcheur, elle est là, et la tombe, elle est en face, et les gens tournent autour de la tombe, ils ne parlent pas un mot. Ils parlent des vertus du fait de jeûner le vendredi, le samedi, le jeudi et le lundi. C'est bien, ça fait partie de l'islam. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est en train de se faire, qui est l'associationnisme, qui est la priorité des priorités, et qui est le combat de l'associationnisme. C'est avec ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager alayhi salatu wassalam. Il voit devant lui des gens qui vont égorger pour cet homme. Hein? Mais il ne lève pas la main. Il ne peut pas dire un mot, il ne dit pas un mot, il ferme les yeux et il continue sa conférence comme si rien n'était. Hein? Et devant lui, on s'essuie sur les recoins et les coins de la tombe, il ne bouge pas, alors que le fait de toucher le maître de quelque chose n'a à toucher que juste, hein, certains piliers de la Kaaba. C'est tout. Pas tous. Juste. Hein? Rukli Yamani. Et si on arrive à la pierre noire? Hein? Mais là, lui, il voit devant lui. Ce qui n'est du cas, le Kaaba, il se fait devant lui, il ne dit rien. Et le sacrifice se fait devant lui au nom de quelqu'un d'autre. Et pour quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُنَاكَ مَنْ يَسْجُدُ فَوْقَ الْقُبُورِ يُنَاجِي مَنْ فِيهَا مُنَاجَاتًا بِخُشُوعٍ لَا يَخْشَعُ مِتْلَهَا فِي صَلَاتِهِ أَبَدًا. Il est certain qu'ils se prosternent sur les tombes, ils sont dans une concentration et les larmes se déversent. Ça ne leur arrive pas quand ils sont en prière derrière un imam pendant salat, tarawih, avec la belle voix de l'imam et les versets qui parlent du châtiment, etc. Il est là, il souffre, il attend que le moment de sortir et que l'imam termine ses versets pour sortir. Et les versets qui parlent du châtiment ne le touchent pas. Vas-y. Il est là, il souffre. Il souffre. Il attend qu'un moment, c'est de sortir. Que ça se termine, que l'imam bâcle les 11 rak'at et qu'il puisse sortir. Alors, devant la tombe, je ne te dis pas, les pleurs, comment il est là, une demi-heure. Min ikhwanina, man ra'a man wada'a jabhata. هو على عتبة الضريح المنسوب للحسين رضي الله عن الحسين في القاهرة ودموع هذا الذي وضع جبهته على عتبة الضريح تنهمر وبقي هكذا نصف ساعة بكاء وتضرع وسؤال وكأنه في عالم آخر لا يشعر بما حوله ولا بمن حوله. Il est de nos frères qui ont vu quelqu'un arriver devant le sanctuaire de Hussein, radiallahu anhu, au Caire, et il s'est prosterné directement, il a jeté son front devant la porte avant d'arriver, et pleure, Vazinta pleure, les larmes qui tombent, et les demandes, et les cris, etc. Elle est restée comme ça une demi-heure. Il ne fait même pas attention à ceux qui sont autour de lui, ni à ce qui se passe autour de lui. Il est dans un autre monde. Il est en extase. Je ne sais pas ce qu'il a pris de l'extase ou pas, mais en tous les cas, il n'est pas là. Il ne sent pas ce qui se passe autour de lui. Et certains, à l'islam, arrivent, et leur prosternation, avant de rentrer, il arrive comme ça. Il lit ses mains derrière le dos, et il arrive, il la tape par terre, slim, soumission, et ainsi dit flan. Il commence à taper sa tête. Je regrette, j'ai de rue du tard à amener la promesse que j'ai faite, je suis en retard, c'est pour ça qu'il m'est arrivé tant de malheurs, c'est pour ça que les enfants n'ont pas réussi, je promets que je vais le faire très vite. Il dit, subhanallah, où tu vas? Ça, regarde. Et beaucoup de fois, ces chaînes de la mécréance te passent ça pour te montrer, regarde l'islam, regarde ce qu'ils sont. Regarde comment ils sont. Regarde cette spiritualité. Regarde cette, comment ils se fondent dans l'inconnu. Ils ne se reconnaissent plus. Ils ne savent plus qui ils sont. Ivazinta. C'est ça l'islam. Allah, si c'était l'islam, il est simple. Parce que tu peux arriver à ça par des choses très simples. Tu prends quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, tu y es. Tu peux marcher sur le feu. Mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une connaissance d'Allah et une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et un suivi total de Muhammad alayhi sallatu wassalam. وهؤلاء إذا رأيتهم في صلاتهم ينقرون الصلاة كنقر الغراب ولا يطمئنون ولا يخشعون لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود نسأل الله السلامة أو العافية. Et ceux qui sont atteints de ce virus de l'adoration des tombes, quand ils le voient faire leur prière, ils la picorent comme le coq. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il s'est prosterné et quand est-ce qu'il a fait rokou. Tu ne sais pas. Il rentre dans la prière, toi, il a dit Allahu Akbar, salam alaikum. Quand est-ce qu'il a fait la première rak'at, la deuxième, quand est-ce qu'il a fait des inclinaisons ou pas? Allahu ta'ala alam. Enfin, et ça, c'est très dangereux. La prière, c'est le pilier le plus important de l'islam. Après quoi? Après le monothéisme. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Mais si la personne ne connaît pas réellement Allah, subhanahu wa ta'ala, comment veux-tu qu'il accomplisse les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le veut Allah? Comment veux-tu qu'il arrive au fait d'accomplir la prière comme le prophète l'a fait? Parce que ça va de pair. L'une sans brique à l'autre. La connaissance d'Allah t'amène à réellement l'adorer et à l'adorer comme le veut Allah. Et non pas comme toi tu veux et comme te le dictent tes passions. Et comme tu as vu les autres faire. Mais non, comme le veut Allah Azza wa Jal. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ويكون موقفنا هنا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير